face à soi-même. Quand le silence nous enferme, quand plus un bruit ne fait surface, comme ces silences que l'on ramasse, on se retrouve avec nos peines. Quand la nuit à nouveau s'emmêle, une fois de plus on est comme ça, prisonnier dans un pugilat. Et je cours après tous les soirs, je cherche un échappatoire. Oui, je cours vers un monde où les mots resteront dérisoires. On reste seul dans le noir, avec notre conscience, nos histoires. Et dans ce lit, tout est fini, comme suspendu se trouve la vie. Et je cours après tous les soirs, je cherche un échappatoire. Oui, je cours.